Je voulais vous proposer d'écouter l'interview d'Olga Kokcharova et de Luc Muller que j'ai faite hier avant leur concert qui a eu lieu dans le salon d'écoute dans l'Acousmonium de la MEG qui est installé dans le cadre du Festival Archipel. Je suis désolé, je cherche un peu mes mots, mais là on est vraiment au milieu du couloir avec une sortie de concert et plein de gens qui discutent de tous les côtés, donc on a un peu du mal à se concentrer, mais bon, comme de base on est de toute façon un petit peu foufou dans cette radio, c'est pas comme si tout ce sentiment de chaos nous était un peu étranger, mais bref, toujours est-il que je vais donc commencer la diffusion de cette interview de Olga Kokcharova et Luc Muller qui nous parle de la genèse de cette pièce qui a été présentée hier soir dans le cadre du salon d'écoute et qui nous parle plus largement de leur rapport à l'écoute et de la manière dont leur résidence dans une forêt en Suisse et dans une forêt en Argentine ont profondément bouleversé leurs habitudes. Et c'est parti. Et moi, je vais vous laisser au passage. Je vous dis à demain. Avant de je dois foncer, courir, prendre mon train. Donc, voilà. Au revoir et donc, à demain. Donc, il y a vraiment une érosion radiophonique. Je vais me retrouver un petit peu seul à l'antenne. Mais je me réjouis de passer le reste et la fin de cette émission avec vous. Donc, voilà. Si vous voulez envoyer une dédicace, il s'agit de mon numéro de téléphone. Comme je suis tout seul, vous pouvez vraiment m'appeler pour m'encourager, m'occuper. Le temps de retrouver peut-être Emma à la fin de son atelier et lors de leur restitution. Voilà. Donc, je lance l'interview d'Olga Kokcharova et Luc Muller. Bonne écoute. Qu'est-ce que ça fait d'être de retour dans l'Acousmonium? J'ai jamais été sur scène, donc je me réjouis, mais ça me manque d'être derrière la table de mixage pour la spatialisation. Mmh. Voilà, c'est... C'est un peu la maison. De retour à la maison, mais dans un autre rôle. Quoi. Voilà. Mm. Mais on reconnaît les haut-parleurs, on les connaît par leurs petits noms. C'est ça. Voilà. Ils sont bien placés cette année. C'est... Est-ce qu'il y a eu un petit contrôle qualité? Ah ben voilà Thierry justement qui arrive aussi. Thierry qui sera donc avec vous ce soir, puis c'est lui qui s'occupe un peu de la spatialisation, c'est ça? Mm-hmm. Mm-hmm. Ben alors vous, qu'est-ce que vous allez faire? Enfin, ben on parlait de la scène, vous êtes placé un petit peu au centre, qu'est-ce qui se passe ce soir? Vous allez jouer une pièce qui s'intitule Lucida Sanjo, qui est une commande d'Archipel, mais qui a un peu une histoire, non? Mmh. Laquelle c'est des enregistrements qui ont été faits lors de deux résidences d'enregistrement dans l'environnement durant deux résidences, une au Tessin dans une vallée au mois de novembre, une vallée assez encaissée, donc plus personne à part nous et des sons minéraux, très peu de sons d'animaux ou autres. Et puis la deuxième résidence était dans la forêt du Chaco, dans le nord de l'Argentine, qui est une forêt extrêmement sonore. On est en plein été, donc au mois de janvier, pendant 2 mois en fait, plongé dans cette forêt. Et puis c'est la rencontre en fait de ces deux univers sonores et de ces deux résidences. Quand on va un peu explorer, présenter ce soir. C'est un projet qui a eu lieu dans ces deux endroits, mais qui poursuivre dans d'autres endroits. En tout cas, par rapport à ces deux endroits, c'est vraiment un contraste assez fort, tant au niveau du paysage sonore qu'au niveau du mode de vie. Donc voilà, au Tessin, on s'est retrouvés dans un environnement froid, dans une vieille maison, sans chauffage. Il faisait 6 degrés, je crois, dans la maison. On devait couper du bois tous les matins pour avoir un peu chaud. Donc l'idée, c'était de sortir vraiment du quotidien dans lequel on est confortable, en fait. S'immerger, en fait, dans un autre environnement pour voir comment cet environnement nous modifie en tant que musicien. C'est-à-dire que, est-ce que notre façon de créer de la musique, elle change en fonction de cet endroit. Et puis voilà, au Chaco, en Argentine, c'est une forêt primaire. Comme on l'a dit, on était en été, il faisait 40 degrés, énormément d'humidité, énormément de moustiques et de toutes sortes d'animaux. Voilà, habité dans une maison moderne, mais c'est comme si cette maison elle n'existait pas, quoi. Elle se faisait traverser tout d'un coup, juste avant un orage, tout d'un coup il y a des milliers de fourmis qui passaient par la chambre à coucher, puis après tout là, comme si la maison, parce que la maison était juste sur le chemin, et en fait, c'était pas un problème, quoi. C'était leur chemin qui passait par là. Puis voilà, un environnement sonore. Je pense que dans cette région, il y a vraiment c'est vraiment la compétition de l'animal qui crie le plus fort entre les singes hurleurs, les différents types d'oiseaux, les grenouilles, les cigales qui font des sons incroyables. Donc voilà, des fois l'après-midi, tout d'un coup, t'as l'impression qu'il y a des gros travaux dans la forêt, avec des grosses machines, etc. Et on a l'impression d'entendre parler du festival Archipel, en fait. Et en fait, c'est des êtres vivants. Donc ce soir, on joue sur une bande qui est montée sur ce contraste. On passe tout le temps en fait, d'un endroit à l'autre. Et puis nous, qui avons passé du temps dans ces deux endroits, ben, on se replonge en fait dans nos souvenirs et puis dans ces lieux, nos souvenirs sonores, mais aussi nos souvenirs de tous les sens, quoi. Et qui étaient mis à l'épreuve. Quoi. Mais justement, je me demandais aussi, parce que vous avez évoqué tous les deux les conditions un peu climatiques qui sont finalement assez extrêmes, de passer de 6 à 40 degrés. Bon, j'imagine que ça ne s'est pas fait en un trajet de bus. Il y a eu un petit souci. C'était à l'intérieur de la maison. Voilà, oui. Mais justement, mais ce qui est drôle, c'est qu'on a un intérieur à 6 et on a un extérieur à 40. Mais je me demandais aussi, enfin, il y a des environnements sonores qui sont manifestement différents. Enfin, vous l'avez un peu décrit, on en parlera aussi après. Mais au niveau des conditions climatiques, atmosphériques, de chaleur, est-ce qu'il y a ça aussi un peu une incidence sur la manière de travailler, sur vos instruments ou sur votre rythme de travail? Enfin, est-ce qu'il y a quelque chose à dire de ça? Ben, en fait, de la forêt du Chaco dans l'Argentine. En fait, fait, ce qu'on était obligé de faire, c'était de partir en forêt très tôt le matin, genre en partant en expédition vers 4h du matin pour avoir des conditions météorologiques plus clémentes. Et puis en même temps, il faisait déjà très très chaud et donc on devait quand même, et pour se protéger des moustiques, on devait mettre des habits bien épais. Donc il y avait un truc comme ça d'investissement physique qui était assez, assez extrême quelque part, parce qu'on passait quand même des heures dehors dans la forêt, dans des conditions difficiles. Et puis, c'est la chemise anti-moustique. Ouais, de gaucho. C'est marqué dessus, gaucho, ouais. Ouais, et puis, il n'y a pas trop de moustiques, je crois, dans la forêt. Ça va, on ne sait jamais. Parce qu'on en a pris avec. Et puis qu'est-ce que... Bah, donc voilà, donc il y avait ça. Ce qu'on n'a pas encore... Ce dont on n'a pas encore parlé, c'est qu'en fait, on faisait aussi nous-mêmes des interventions sonores dans l'environnement sonore. Donc il s'agissait aussi de prendre, moi pour ma part, des éléments de batterie, donc marcher avec, aller dans les endroits qui me paraissaient bien. Donc c'était toute une expédition. Et puis donc au Tessin, bah, les conditions étaient quand même plus faciles. Il suffisait de bien se couvrir. Hein. Mais pas, c'était plutôt l'habitat qui était plus difficile. Mais à l'extérieur, c'était un environnement très apaisé, très calme. Il disait minéral, parce qu'en fait, il y avait principalement la Verzasca qui passait juste à côté. Donc il y avait tout le temps le son de la rivière, le son des pierres, le son de... aussi le passage de l'automne à l'hiver, donc le son typiquement automnaux, les feuilles qui volent dans le vent, qui font des sons, et puis après l'arrivée de la neige en fait, et puis le changement d'acoustique aussi. Et là vous travaillez à peu près aux mêmes heures de la journée qu'au Chaco, c'était complètement différent, vous travaillez aux heures les plus chaudes ou... Il y avait 3-4 heures d'ensoleillement par jour. Ah. Vu que c'est une vallée très encaissée. Oui, oui. Donc on partait à 11h du matin. Puis... Non, mais ouais. Ça change. Ces conditions, c'est, ouais, ça te met à l'épreuve et ça change vraiment ta façon de te comporter et de te comporter à l'intérieur, de te comporter à l'extérieur, de dormir. Parce que, par exemple. Ben, si au Tessin c'était voilà très très très silencieux, au Chaco c'est vraiment tu peux pas dire je vais dans la forêt pour trouver le silence, par exemple, parce que les gens ils aiment bien dire ici, parce que c'est vrai, c'est vraiment en ville c'est beaucoup plus calme que dans la forêt, et puis c'est vrai jour et nuit, donc en fait tu dors aussi avec tous ces sons, tu passes toute la journée, ça se mélange avec tes rêves, ça se mélange à... et puis après tu t'adaptes aussi, il y a beaucoup beaucoup de contraintes de température, de l'environnement, des animaux, d'ensoleillement au Tessin, etc. Donc tout ça plus le son, justement, parce que en fait à la base l'idée c'était moi je suis vraiment intéressée par je suis sûre que, par exemple, les langues que les gens parlent dans un certain... dans un endroit, bah, ils ont été influencés, en fait, par le paysage sonore dans lequel ils ont émergé. Et puis, justement, je suis sûre aussi que chaque environnement nous influence aussi en tant que créatrices. Donc voilà, l'idée c'était un peu de faire de l'expérimentation sur soi-même et puis de voir quel type de musicien on devient dans un environnement comme ça et puis dans un autre environnement. Et voilà, c'est un projet qui peut ensuite continuer. Et là, ça donne... ça donne une forme de 75 minutes comme ça ce soir, semi-improvisé je dirais. Et donc ouais, vous étiez sur place dans ces deux environnements en, un peu en observation mais aussi en interaction, enfin quel genre de, enfin tu as parlé aussi de la transformation que ça induit aussi finalement dans le rapport à la musique, enfin ça nous mène autre part. Est-ce que vous pouvez tous les deux un peu parler de cette relation, de ces nouvelles relations qui sont peut-être un peu nouées, et puis de la manière dont ça vous accompagne maintenant après ces deux voyages, et puis aussi cette réflexion vu qu'il y a cette pièce qui fait se rencontrer ces deux environnements. Je trouve que au Chaco, donc en Argentine, il y avait un élément d'immersion complète et continue au fait dans le son, dans l'environnement sonore, parce que qu'on soit à l'intérieur de la maison ou à l'extérieur, le son il changeait pas, les animaux étaient toujours présents en fait, simplement par le fait qu'on dormait les fenêtres ouvertes, et donc comme tu disais, les sons des animaux s'immisçaient dans nos rêves. Et il y a eu c'était toute une rencontre en fait au niveau de l'écoute avec ces sons, parce qu'on est arrivé en gros dès qu'on on sort de l'avion et puis qu'on s'engouffre on quitte l'aéroport et qu'on s'engouffre dans la forêt en fait, on commence à entendre ces sons, puis ils nous quittent plus pendant 2 mois en fait, puis après on part et puis on les a plus, et puis l'écoute, elle était d'abord une écoute, une espèce de magma sonore incompréhensible, et puis plus on progressait dans cette écoute, plus on progressait dans la vie quotidienne dans cette forêt, plus on commence à comprendre tous les sons, les animaux, quels oiseaux, quel moment, les horaires, etc. Et plus on était aussi nous à l'aise avec ces sons-là. On n'était aussi pas tout seul, hein. C'est-à-dire que c'est aussi un environnement où il faut un peu savoir comment se comporter. Au début, on n'osait pas aller très loin de la maison, et puis on a fini par faire des expéditions nocturnes dans des réserves. Voilà, parce qu'il y a plein de... C'est un peu l'endroit où il y a énormément d'animaux considérés comme dangereux. Donc voilà, c'est juste une histoire de... Voilà, il faut apprendre comment se comporter, et on était accompagnés aussi par des gens qui... Par les gens de la résidence. Par les gens de la résidence, ou les gens du coin qui nous ont aussi un peu appris à comment se comporter, mais à décoder aussi. Comme tu dis, dans ce magma sonore, un peu à... Voilà, qu'est-ce qui est quoi, comment les choses évoluent, comment... Je crois que tu demandais comment... par exemple, comment toi, est-ce que tu arrives à décrire comment toi, ça t'a transformé, par exemple, en tant que musicien, pendant cette résidence? Je sais pas si ça m'a transformé irrévocablement, mais... Non, mais je veux dire, en tout cas... On a encore le choix de se retransformer à foison. Ou bien tu penses que c'est un concept qui marche pas? Ou ouais. Plutôt que de parler de transformation, d'un terme aussi radical, comment est-ce que ça vous accompagne, même si vous êtes déjà ailleurs, en fait? En fait, c'est développé énormément le lien entre le questionnement, qu'est-ce qu'on vient faire dans un environnement sonore comme ça qui fonctionne très bien sans nous, est-ce qu'éventuellement on dérange les animaux, est-ce qu'en jouant, parce que moi j'ai pris les cymbales et puis les bretons, j'ai interagi avec ça. Et c'était une interaction au quotidien quoi, en fait. Comment jouer avec, voilà. Et puis après, c'est en fait peut-être que en fait ces sons, parce que maintenant qu'on les rejoue, en fait nous, pour nous, je pense que l'écoute elle est différente pour vous, parce qu'on se souvient de chaque animal qui apparaît dans... et puis y a comme c'est comme une musique en fait qui nous habite, et puis comme si, je sais pas, si tu écoutes une musique jouée par un groupe ou un ensemble que tu apprécies, que tu as beaucoup écouté, en fait quand tu réécoutes non seulement c'est comme si tu connais vraiment cette musique, mais en plus ça te replonge dans des souvenirs, des choses assez émotionnellement forte, quoi. D'être ensemble les deux dans des contextes comme ça, donc pour moi c'est quelque chose de peut-être du même ordre que de revenir à une musique que j'ai beaucoup écoutée, et puis d'avoir l'occasion de la rejouer dans un contexte complètement différent sur scène, de venir la présenter, ben c'est un moment émouvant, quoi, en fait. Oui. Mais ce que je trouve fou, c'est que, par exemple, par exemple cette forêt du Chaco, en fait, on connaît beaucoup plus de, par exemple, d'espèces d'oiseaux. On a fini par connaître hyper bien. On connaît beaucoup plus d'espèces d'oiseaux qu'ici, par exemple, en Suisse. Donc c'est vraiment fou, comment, parce que tu débarques comme ça et puis tu te rends compte, en tout cas moi par exemple j'aime beaucoup les plantes, et puis tout d'un coup je me retrouve dans un endroit, je connais aucune plante, je connais juste, j'arrive même pas à dire à quelle famille ça appartient ou rien. Et c'est pareil en fait pour les animaux qu'on voit pas toujours, mais on les entend, et puis on a fini par connaître, puis en fait tout d'un coup chaque rencontre elle devient vraiment précieuse, et puis tout d'un coup ici pendant le concert c'est des sons de la forêt, c'est sympa, etc. mais peut-être que à un moment donné il y a un oiseau qu'on a passé 3 semaines. Par exemple, les toucans, voilà. Et c'est un endroit où c'est pas vraiment un endroit où habitat des toucans, mais ils passent des fois par là-bas. Puis toi, tu voulais absolument voir des toucans. Bravo. Puis, voilà. Et puis on était en train d'improviser au bord de la rivière. Et sans savoir. Voilà, on a enregistré, il y avait des sortes de bruits de cochons comme ça. Quand les cochons. Vous n'avez pas vu en fait. Non. Vous avez entendu pas. Si, si, on les a vus. Ah, vous avez vu. D'abord, c'était fou parce que justement, on entend les sons, on en voit un passer par-dessus la rivière. Puis c'était la fête, quoi. Au loin, enfin, voilà, comme loin. Ça. Puis on avait des jumelles, hein. On était vraiment les. Avec l'enregistrement qui tourne. Les apprentis ornithologues. Voilà. Puis après, un deuxième. 3, 4, 5, 6, 7, 13. Puis après, voilà, il y en a un qui est venu tout proche de nous. Et c'était, on est arrivé, voilà, ça faisait 3 semaines, on voulait juste voir. Et en fait, non seulement on a vu, on a entendu, on a observé, etc. Et dans la bande, ça passe, voilà, c'est un moment, c'est 3 minutes, personne ne sait que c'est... C'est des toucans. Quand on entendra des cochons, nous, on saura. et pour nous, c'est un événement incroyable. Ouais. Et puis, c'est pareil pour... Il y a aussi l'Urutau. Urutau. Ouais, c'est une sorte de... Putu bird. De chouette nocturne qui fait un chant très... Voilà. C'est très beau, enfin, au milieu de la nuit comme ça. Ça nous a pris mélodique, très marquant. Chaque fois que je l'entendais la très nuit, je me levais vite avec le micro pour l'enregistrer. Impossible à l'attraper. Donc voilà. Donc tu vas devoir le chanter ce soir. Non. Et puis une fois, on s'est aventuré dans une réserve naturelle. au milieu de la nuit. Moi qui viens de Sibérie, j'ai vu pas mal de moustiques, mais alors là, vraiment, en fait, c'était vraiment... je sais pas comment on a survécu, on est resté plusieurs heures. Alors qu'on était voilà, protégés par des habits, des bottes, etc. T'as une couche de moustiques sur toi, quoi. En fait, je pense que on était tellement piqués que moi, j'ai plus pu dormir de la nuit. Parce que c'était... Et puis, on a laissé le micro dans la forêt, on allait plus loin, on a fait un petit feu. Pour pas se faire piquer, il fallait mettre la tête dans la fumée, quoi. Tu n'arrivais pas à respirer, mais autrement, c'était impossible. Quoi. C'est... Et puis, voilà, on a enregistré 2 heures, et puis en réécoutant ces 2 heures, bah, il y avait un ourdeau qui était là-dedans. Il est venu tout proche du micro. Donc, c'est plein de... d'émotions comme ça qui nous changent dans notre écoute en fait. Et puis tout d'un coup, c'est pas chaque son, c'est pas un son anodin, c'est tout d'un coup un peu un événement exceptionnel, d'autres pas peut-être, d'autres c'est des événements du quotidien comme ça, mais ça fait vraiment des empreintes très profonde en fait. On a beaucoup parlé du Tchako, mais on a la même chose au Tessin, sauf évidemment que les sons étaient moins inconnus parce que c'est une région alpine, comme ça on l'a plus fréquenté. Mais le fait d'avoir le privilège de passer un mois à écouter, en fait, ça. Là, ça n'était qu'un mois, pas 2 mois, mais ça change quand même l'écoute, la qualité de l'écoute, ça aiguise. Mais on a écouté au Tessin, on était d'abord au Tessin, on a enregistré beaucoup de choses. Après, on était plus tard, on était au Tchako. Puis on a vécu 2 mois dans cet environnement. On est rentré en Suisse, c'était le printemps, donc le mois de mars. Et puis on était dehors et on se disait. On avait l'impression d'avoir des bouchons dans les oreilles, mais il n'y a aucun son, quoi. C'est vraiment vide. De temps en temps, tu entends même un avion à Genève, comme ça, qui passe. Ça te paraît un truc tellement petit, minuscule. Et puis, voilà. Et puis, au Tessin, on était là avec le petit minuscule au quotidien. Sur les 2 résidences, on a 100 heures d'enregistrement. Donc, voilà, après, c'est... Comment tu revisites tout ça, comment tu composes avec tout ça, comment tu... Et donc vous êtes arrivé à une composition d'une pièce, enfin j'imagine qu'il y a une partie qui est une diffusion, enfin qui est peut-être un peu fixée, ou et puis vous avez en tout cas ici sur scène des instruments. Vous pouvez un petit peu parler de ça aussi, de comment est-ce que finalement vous en êtes venu à penser à ce setup, et puis peut-être Thierry peut aussi après rajouter 2 ou 3 mots par rapport à son accompagnement dans cette étape archipel. Donc ouais, peut-être d'abord les instruments. Moi j'ai bien aimé ce que tu as dit une fois en cherchant ton... parce que voilà, batterie, percussion, on peut vraiment beaucoup modifier l'instrumentarium. Puis toi, t'as dit, moi, j'ai envie de jouer de la batterie, parce que je suis batteur, c'est mon moyen d'expression. Et voilà, en fait, dans la forêt, une cigale chante, c'est son moyen d'expression. Luc qui joue la batterie, c'est son moyen d'expression. Moi, je joue de l'électronique, c'est mon moyen d'expression. Donc, en synthé, un petit peu de l'électronique sur l'ordinateur. Puis sur le fond d'une bande qui est composée, effectivement, et qui switch tout le temps d'un endroit à l'autre, en fait. Toi, t'es sans le chat. Je sais pas si tu veux dire. Et donc tous ces éléments, les percussions, l'électronique et puis la diffusion sont présent dans l'acousmonium ou est-ce que c'est principalement les enregistrements qui sont spatialisés et puis vous serez localisé là aussi au milieu de la scène. Ben, en fait, tel que après discussion avec Luc Olga-Olgaluc, ben on s'est dit que c'est comme un quatuor. Il y a la bande 4 pistes des phonographies qui ne nous écoutent pas. Elle va être répartie dans le dispositif. Puis, pour moi, pour me faciliter le travail, comme Olga, avec sa partie synthèse et traitement Max MSP, elle est aussi en 4 pistes, je me suis dit, je mélange les deux. J'ai la possibilité de les séparer en intensité si c'est déséquilibré, mais généralement, ce n'est pas le cas. La partie où toi, tu joues plus la partie de la bande 4 pistes, tu vas un peu jouer... Je ne suis pas hyper bien placée pour entendre. Pour entendre, mais généralement, voilà, c'est un peu égal. Puis pour me faciliter la tâche, tout ce qui est Olga, Synthé, Max MSP et la bande avec les sons fixés, les 4 pistes de phonographie argentine, ça va potentiellement dans les mêmes endroits. Maintenant, j'ai des possibilités de les faire aller. Enfin, je sais pas, j'ai 3 quadriphonies différentes. Je ne sais pas, celle des trompettes, celles qui sont suspendues ici, une grande en diagonale comme ça, une grande en trapèze comme ça. Il y a plusieurs. Puis ça, je sais que c'est du Olga. Après, Luc, ben, il faut qu'on fasse un son de batte maintenant, mais je lui ai réservé des paires. Du coup, pas en 4 canaux ou je sais pas quoi, c'est de la stéréo, mais c'est de la stéréo qui peut sortir derrière, qui peut aller dans des trucs un peu cracra diffus, là-bas au fond. Je dirais, il y a peut-être un tiers de Luc, 2/3 d'Olga et Bande. Pour la SEB, comme le dispositif est déployé. Puis après, ben voilà, au fur et à mesure que j'écoute ça, je vais trouver des équilibres. Avec le son acoustique. Oui. Ah oui, puis bien sûr, la batterie acoustique aussi, parfois je ne vais pas l'amplifier la batterie. Il y a vraiment des moments où je me dis, mais en fait, c'est très bien d'avoir ce petit, entre guillemets, son de batte. Et puis il y a des moments où je peux la tordre ou l'amplifier, comme si on était sur un truc un peu normal dans la face ou lui faire subir des outrages de timbre. Et d'espace. Ben finalement, il y a pas mal de monde, en fait. Il y a 3 musiciennes. Il y a beaucoup d'animaux, des autres entités. Et puis ce soir, il y aura en plus plein de paires d'oreilles. Quelle horreur. On se réjouit de partager tout ça. Oui, ou d'en boucher certains. Bah, nous, on se réjouit. Enfin, moi, en tout cas, je me réjouis bien d'écouter tout ça. Enfin, ça a l'air super. Enfin, et puis bon, bah, comme le reportage sera diffusé demain ou après-demain, bah, je vais d'ores et déjà dire que c'était vraiment absolument éblouissant. Et puis, merci pour la confiance. Non, mais je sais où je mets les pieds, donc voilà. Bah, merci beaucoup. Je crois comprendre qu'il faut que je vous laisse aux mains expertes de Thierry Simoneau pour continuer votre soundcheck. Si tu veux enregistrer un peu. Oui, je vais laisser traîner mes oreilles par ici aussi. Et puis de toute façon, on sera aussi de retour ce soir pour prendre d'autres sons, si vous nous l'autorisez. Super. Oui. Bah, merci beaucoup. Merci à toi. Bon travail. Voilà, mes oreilles ont traîné quelques minutes, voire plus, le temps du concert de Olga Kokchareva et Luc Muller hier soir dans l'acousmonium de la MEC, dans le salon d'écoute. Et vous avez donc entendu Olga et Luc parler de leur projet et aussi l'intervention de Thierry Simoneau qui les a vraiment assistés avec beaucoup d'expertise dans ce programme que nous étions nombreuses à écouter hier soir. Je crois que le salon d'écoute était vraiment plein, donc vous avez peut-être une excuse d'avoir manqué ce concert par faute de billets disponibles. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le travail de Olga Kokchareva et Luc Muller ensemble, il y a un disque, il y a une version de Lucida Sogno que vous pouvez écouter sur Bandcamp. Ils ont un projet en duo sous le nom de Hololiu Cui. Et puis donc, un de leurs projets réalisés sur Bandcamp, sous le nom de Lucida Sogno, est une performance live multicanale qui a été enregistrée précédemment. Donc ce projet, apparemment, c'est un projet qui a vraiment plusieurs, plusieurs formes, plusieurs vocations, et puis qui va peut-être se poursuivre une fois ou l'autre sous une autre forme de réalisation discographique. Enfin voilà, je vous encourage vraiment à suivre leur travail et puis à vous laisser peut-être vous aussi happer dans les forêts qu'ils ont visité pour nous et agrémenté de leur son, dont vous avez pu avoir une petite idée en écoutant cette interview et en faisant peut-être attention à la bande sonore qui passait en dessous.